Bonjour, vous êtes bien à l'émission Réalité 514. Bonjour, aujourd'hui on accueille un nouvel artiste du nom de Big Mike, un rappeur engagé. Alors c'est un rappeur, j'espère qu'il ne va pas nous tuer à l'émission. Alors Big Mike, présentez-vous, qui est l'artiste? En fait, moi c'est Big Mike, puis je rappe, puis écoute, je suis le best, man. Oh, j'aime votre parcours. Ça fait plaisir. Je crois qu'on va enchaîner tout de suite en musique, n'est-ce pas? Alors, vous êtes toujours à l'émission Réalité 5-4 avec Big Mike et on enchaîne avec son rap engagé, Je suis un gangster. Hey, moi je suis le gangster. Je rappe, je fume, je bois, je fais mon affaire de même. Si tu me kiffes, tu me vois dans la rue. Écoute, je rappe le hood, je rappe le streets. Big Mike, achète mon album. Read bar, c'est comment que c'est? Après une performance pareille, la question qu'on peut se poser, c'est... Le talent s'étale à quelle hauteur ?